ce qui me sert. Ça me maintient en forme. Je suis à l'affût. C'est ma raison d'être. Toujours fly dans ma tête en lévitation. Crois pas que la réussite t'envoie une invitation. Pas d'imitation, authentique revendication. Même dans la complication, je mets mon rap en application. Keyaman, je rentre dans ton esprit comme un chaman. J'essaie de m'apaiser, de rester en paix comme un rastaman. Parce qu'on sait bien que rap, c'est comme une histoire sans fin. Donc on fonce d'un espoir dans la caisse sans frein. Mais je suis trop hype, j'ai à 10 000 derrière le mic moins timide. Ce rap reste dans ma tête et rien sans cesse comme un gimmick. Me parle pas de limite, l'atmosphère est cynique. Même entre nous en sonique, j'ai râle et la panique. Je vis chaque jour comme si c'était ma dernière nuit. De quelle sous-culture tu parles? On n'est pas tombé de la dernière pluie. J'écris chaque texte comme si c'était mes dernières lignes. Car le diable est présent et y'a beaucoup de monde derrière lui. Des millions de galaxies où scintillent des millions d'étoiles. Et un point apparaît l'espace d'un instant sur une tête. Voilà ce que nous sommes, perdus dans l'espace. Moi je veux rêver plus fort que Martin Luther King. Je veux pas attendre que le sort décide de moi sur un parking. Tu peux vérifier, y'a que la vérité sur nos parties. Amorti les tracas de la vie sur bide et c'est reparti. Tu sais qu'on cherche tous une porte de sortie dans cette époque sordide où on fait même la guerre derrière des ordis. Zarbi, comme si la dignité enlevait ses habits. Je reste habile, jamais je me défile, toujours sur le fil. Je vois que tout le monde s'excite dans la course à l'illicite. Une seule idée en tête, faire du bif pour s'arracher d'ici. Combien sont-ils amenés une vie sans aucun but précis? Apprécie mon récit. On est loin d'être agressif, juste la somme de tout ce qu'on a pu encaisser. Et ces nuits blanches à gratter le papier, le moral affaissé. J'écris chaque texte comme si c'était mes dernières lignes. Car le diable est présent et y'a beaucoup de monde derrière lui. Le pourquoi, y'a pas de raison. Aucune bonne ni de mauvaise raison, ni de vivre, ni de rester. Le diable ne restera jamais loin derrière vous.